ami ou ennemi? Прослушайте текст и расскажите, как поделили свою добычу животные. Quelquefois, il est difficile de connaître ses amis. Jean de La Fontaine, le célèbre fabuliste français, a raconté cette histoire pour montrer l'importance de la puissance. La génisse, la chèvre et la brebis étaient les amis d'un lion. Le lion était grand et fort, fier et féroce. Elles étaient petites, faibles et douces. Cependant, ils vivaient tous en harmonie et ils partageaient le bien et le mal. Un jour, la chèvre a trouvé un cerf dans un piège. Elle a fait venir ses amis. Le lion a regardé le groupe et a compté sur ses griffes. Puis il a dit « Nous sommes quatre à partager cette proie ». Il a découpé le cerf en quatre parties. Il a pris la première partie en disant « Ceci est à moi, parce que je m'appelle lion. Vous savez bien que le lion est le roi des animaux. » Personne n'a répondu. « La deuxième partie est à moi aussi », a-t-il dit. « Je suis le plus fort, et la deuxième partie va toujours au plus fort. » De nouveau, personne n'a rien dit. « Je suis aussi le plus brave, je prends donc ce troisième morceau. Et si quelqu'un touche la quatrième, je l'étranglerai tout de suite. »